La signalisation indique un danger permanent qui existe aussi bien pendant les périodes scolaires que durant les vacances. Pendant celles-ci, les locaux scolaires peuvent servir de lieu de réunion ou d'accueil à d'autres activités, comme les centres aérés. À l'approche de ce signal, je dois donc ralentir et rester vigilant. Réponse A et C.